Bonjour, c'est Lucie Inland. J'ai rencontré Nora Boisouni dans le cadre du festival Dangereuse Lectrice. Nous avions plein de choses à nous raconter, elle en avait encore davantage à partager sur la scène des ateliers du vent. Je vous laisse découvrir cette grande discussion au sujet du sexisme et des autres violences systémiques en cuisine, d'éducation au goût, de charges domestiques et écologiques et du Noma. Bonne écoute. Bonjour Nora, est-ce que tu pourrais te présenter ton activité, tes activités actuelles, plutôt ton parcours en général? Je suis Nora Boisouni, j'ai 34 ans et demi. Je suis journaliste indépendante depuis quelques années. Je suis aussi traductrice et autrice. J'écris principalement sur la culture, mais plus précisément sur les séries télé, sur le genre et la bouffe, parfois les trois en même temps. Parfois deux en même temps, parfois tout ça, je croise les sujets. Voilà, je traduis des bandes dessinées principalement, de l'anglais au français. Et puis j'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelle « Féminisme, quand le sexisme passe à table » aux éditions Nourriture Fu, qui traite des liens entre l'oppression des femmes, mais pas que des femmes, à travers la nourriture et toutes les formes que la nourriture peut revêtir, la préparation des repas, le fait d'être chef cuisinière, l'agriculture, la grossophobie, enfin plein de questions. T'es pas derrière le compte Je dis non chef sur Instagram? Non, tu l'avais beaucoup relayé. Ouais. En fait, le compte Je dis non chef, c'est Camille Aumont-Carnel, qui est derrière le compte Je m'emballe Clito aussi, qui l'a créé. Camille, je la connaissais pas, je connaissais son compte Je dis non chef, évidemment, qui recueille les témoignages sur les violences dans la restauration, puisqu'elle-même est une ancienne de Ferrandi, puis elle a bossé 4 ans en restauration. Et en fait, pendant le confinement, moi, ça fait donc 3 ans que je suis invitée un peu partout, podcast, radio, conférence, à parler des violences en cuisine, puisque j'en parle assez brièvement dans mon livre, finalement, mais vu que c'est un sujet sur lequel pèse une omerta incroyable et que personne n'aborde cette question-là, j'étais un peu la personne qui on en parle. Pendant le confinement, vu que les restos étaient à l'arrêt, tous les gens qui travaillaient en restauration, quasiment tous, évidemment, il y avait la restauration emportée, etc., mais beaucoup de gens qui travaillaient en cuisine étaient au chômage technique, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour que ces gens qui font des semaines à 80 heures, là, ont le temps, peut-être, de répondre à un questionnaire sur ce qui se passe au travail. Peut-être ont le temps de réfléchir à ça, des gens qui, en fait, pour la première fois depuis longtemps, se levaient pas le matin avec une boule dans la gorge ou dans le ventre ou en pleurant. Donc j'ai contacté Camille Aumont-Carnel et je lui ai dit écoute, voilà, moi je suis journaliste, je travaille sur tel sujet, et je pense qu'il est nécessaire de faire un panorama des violences en cuisine parce qu'on en parle, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de chiffres. Donc je lui ai dit, voilà, moi je te propose de faire un questionnaire en ligne, anonyme. Après, les gens, libre à eux et à elles de mettre leur mail pour être contactés par la suite. Libre à elles, libre à eux de mentionner aussi nommément l'établissement ou les personnes mises en cause. Et donc fin mars, on a publié ce questionnaire où on a déjà eu beaucoup de réponses. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui étaient prêts à en parler quand tu tends la main sur le sujet, mais c'est vrai que je pense que la sortie du livre, ça a dû un petit peu, on reviendra un peu après, mais ça a dû peut-être pousser un petit peu, et en fait pour que les gens parlent, il faut montrer que il y a des gens pour écouter en face et donner l'autorisation aux gens de parler. Ouais, en fait, c'est tout ce truc de libération de la parole. C'est vrai que c'est une phrase qui m'embête un peu parce que oui, il y a des gens évidemment qui n'en ont jamais parlé, qui n'osent pas en parler, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui en parlent, qui en ont parlé, qu'on n'a juste pas écouté. En fait, notamment les médias. Les médias ont vraiment une responsabilité dans la raison pour laquelle les violences sexuelles, sexistes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit en cuisine ou ailleurs. Voilà pourquoi MeToo est arrivé si tard finalement, quoi. Oui, c'est la libération de l'écoute. C'est ça, c'est les deux. C'est évidemment, quand on écoute les gens et qu'on publie leurs témoignages et qu'on les prend en sérieux et qu'on les croit déjà, ça donne confiance aux autres et c'est des dominos en fait. Puis que ce soit relayé correctement, sans minorer, en nommant bien les faits, sans excuser, en disant oui, mais c'est des boulots, ça se passe comme ça, oui, mais c'est toujours fait. Il y a plein de trucs, ça se fait depuis hyper longtemps. Oui, c'est sans pas justifier, puis sans blâmer les victimes, c'est toujours pareil, la culture du viol, enfin bon, voilà, on connaît ces mécanismes-là, mais c'est vrai que le MeToo de la restauration, il n'est pas encore advenu, voilà. Ouais. Et comment t'en es venue à t'intéresser à la bouffe et au vin? Je mets tout un petit peu ensemble. C'est par ta famille, par ta vie personnelle, un déclic particulier? On en parle un petit peu en off tout à l'heure. Mais le vin, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme je te disais, moi, ma famille, elle boit pas. Enfin, il y avait juste ma mère est bretonne, donc et mon père a passé pas mal de temps en Bretagne. Mon père est kabyle, mais il a passé beaucoup de temps en Bretagne. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère d'ailleurs. Et du coup, le seul alcool qu'il y a à table, c'est le dimanche, c'est du cidre, voilà. Mon père, lui, il boit juste du cidre. Il aime pas l'alcool. Ma mère, elle boit du cidre, elle boit un peu de vin. vin aux occasions, genre Noël et tout. Mais bon, mes parents sont pas du tout des amateurs de vin. Il y a jamais de vin chez nous. Enfin, il y en a depuis que moi j'en bois, mais sinon, c'est il n'y en a jamais eu quand j'étais petite. Ah, t'as réussi à... Ou alors t'en ramènes du coup? Ouais, pour j'en l'occasion. Ramène. Ma mère, du coup, achète toujours un peu de vin au cas où, voilà, quelqu'un vient, des amis, etc. Ou bien nous, on vient pour les autres, parce que voilà. Mais elle s'y connaît pas du tout en vin. Elle sait pas choisir du vin. Enfin voilà, ouais. elle se fie un peu aux étiquettes, aux trucs. Moi, j'en ramène quand je vais chez mes parents. Mais le vin, j'ai découvert ça quand j'avais 14 ans. Moi, petite fille d'ouvrier, d'ouvrière, prolo de Picardie, je fricotais avec un skateboardeux de 14 ans du 16e arrondissement de Paris, avec des parents pétés de thunes qui avaient 250 mètres carrés de New York près du palais de Tokyo, donc, et puis qui avaient donc une cave à vin exceptionnelle. Merci Caramel. Voilà. Personne ne sait que tu es un chien et personne ne sait que tu es pété de thunes. Exactement. Et du coup, j'ai découvert le vin avec eux et avec elles. Mais c'est pas un truc qui m'a beaucoup plu tout de suite. Enfin, je crois qu'à 14 ans, le vin, c'est un peu difficile. À part si justement, on a une famille qui boit du vin et qu'on a été habitué au niveau du palais. Mais rien qu'au niveau du goût, c'est un peu spécial. Surtout le vin rouge. Eux, ils buvaient que du vin rouge. Donc aujourd'hui, j'aime beaucoup plus le vin blanc. Mais voilà, donc le vin, ça s'est fait un peu tard. Après, la bouffe, vraiment. Enfin, disons que ma mère, elle a toujours cuisiné. Mon père, il cuisine pas du tout. C'est ma mère qui s'occupait de tous les repas. Et en fait, moi, je trouvais ça fascinant de transformer de la nourriture. Je trouve que c'est magique. Il y a un côté magique. Qui a un côté très satisfaisant, très épanouissant et très gratifiant dans le fait de faire à manger. Moi, j'adore faire à manger, j'adore manger et j'adore cuisiner. Et j'ai du mal à comprendre les gens qui adorent aller au resto mais qui n'aiment pas cuisiner. Ça, c'est vraiment un mystère pour moi parce que ouais, je trouve ça magique en fait de transformer des aliments et de transformer des aliments et faire plaisir aux autres en fait. De voir la tête des gens quand vous leur servez un plat et qu'ils aiment ça, je trouve ça fantastique. Donc voilà, mais sinon, la bouffe. Les restos, mes parents n'avaient pas les moyens de nous emmener souvent au resto, donc nous on allait au resto une fois tous les 36 du mois, on allait au couscous dans le petit bled où j'ai grandi. C'était quoi? C'était couscous ou bien la pizzeria, tu sais, la pizzeria Roma avec des espèces de colonnes en stuc rose et des peintures, machin, c'était très très rigolo. Je me rappelle les nappes en papier rouge, je me rappelle que tu sais, tout le monde pouvait fumer à l'époque, tu avais la salle fumeur et non fumeur, mais il n'y avait pas de séparation donc ça puait. Et puis la fumée, elle passe partout. C'est le nuage de Tchernobyl quoi. Ah non, il s'arrête là le nuage, tu vois. Bref, enfin, et donc, on n'avait pas de sous, donc on allait vraiment au resto très très très très peu souvent. C'était vraiment un luxe quoi pour nous, le restaurant. Et puis on allait une fois par an à Paris. On était dans l'Oise. Enfin, mes parents sont toujours dans l'Oise, donc dans le sud de l'Oise. Pas très très loin de Paris, oui, non c'est plus. C'est pas hyper loin. 50 bornes. Et on allait à Paris pour une raison. C'était qu'on allait à Barbès d'abord pour acheter des tissus pour le bled. Mon père envoyait ou bien il allait au bled l'été, donc il amenait du tissu et d'autres trucs, des petits électroménagers, etc. Voilà. Et du coup, on en profitait pour aller au cinéma. Pareil, mon premier film de cinéma, c'était La Belle et la Bête au Grand Rex. Et on allait au McDo, qui était pareil, un petit luxe, un plaisir. Mes parents ne voulaient pas nous filer du fast-food tout le temps. Et puis c'est cher, mine de rien, McDonald's. En fait, disons que c'est tellement peu cher que c'est pathétique. Parce que tu dis, mais comment tu peux avoir des bons produits pour 5 euros, tu vois? Non, c'est pas possible. C'est impossible. Mais du coup, c'était quand même un luxe pour mes parents parce qu'ils avaient très peu de moyens. Donc, c'était, voilà, c'était la sortie annuelle. Et pour moi, le fast-food a pendant longtemps été un truc de luxe. Enfin, dans le sens où c'était vraiment exceptionnel, dans le vrai sens d'exceptionnel. C'est l'exception. Oui. Donc voilà. Et après, quand je suis arrivée à Paris, bah, moi j'ai étudié à Paris, mais j'étais étudiante, j'étais boursière. Donc je buvais des bières, tu vois, j'allais pas dans des restos cher quoi. T'es arrivée à Paris après ton bac en fait. Je suis arrivée à Paris pour ma fac. Puis j'ai habité à Paris à partir de ma deuxième année de fac, je crois. Et du coup, bah ouais, j'avais pas trop de thunes non plus, donc je n'allais pas au resto spécialement. Puis après, j'ai commencé à travailler assez vite, quand j'avais 21 ans. Et j'étais stagiaire, donc je gagnais pas de sous. Mais mes boss étaient plus âgés que moi et ils me payaient des trucs quoi, genre on allait boire une bière et ils prenaient une planche de fromage, de charcutes, de machin. Et puis après j'étais au SMIC, j'ai commencé un peu à aller, mais pareil, pas dans des restos, dans des trucs basiques quoi. Ouais, non, puis le SMIC à Paris, bon tu vas pas loin quoi. Bah non, déjà t'as les trois quarts dans ton loyer, donc voilà. Mais j'ai bossé, avant de commencer à bosser à 21 ans, enfin l'été d'avant, ma vraie vie professionnelle, j'ai bossé dans un resto, j'étais serveuse dans le Marais. Et donc je bouffais de la bonne bouffe, c'est au Pain Quotidien donc qui est connu à Paris. Pas qu'à Paris d'ailleurs, pour ses brunchs, ses petits déj, ses tartines et tout, ses bio, ses machins, ses trucs. Donc des bons produits, donc c'était cool. Déjà, j'ai mangé des trucs un petit peu que j'avais jamais mangé, quoi. Un peu fancy parisien. Ouh. C'était quoi la tendance à l'époque? Il n'y avait pas de tendance, il n'y avait pas encore d'avocado toast, tu vois. Eux, c'était les premiers à le faire. Hein. Ils avaient de l'avocat à la carte quand il n'y avait pas d'avocat à la carte ailleurs. À part dans les restaurants mexicains, etc. Tu oui. vois, où c'est quand même la culture et c'est des produits qu'on mange sur place. Mais c'est les premiers qui avaient mis. Enfin, moi, je me souviens que les avocats, j'étais un peu genre, ah, le guacamole, tu vois. Et maintenant, il n'y avait pas de tendance spéciale. Mais c'est, leur carte, elle a changé. Mais les tartines, c'est des trucs sains. C'était très peu de viande. Enfin, la seule viande qu'ils vendent, c'était du poulet, tu vois. Donc, pas de viande rouge. Mais c'était du poisson, saumon fumé, ou beaucoup de trucs végétariens. Et moi, je mangeais beaucoup de trucs végétariens déjà à l'époque. Donc, j'étais très contente. Et après, mon salaire a fait un bond parce que je suis passée d'un SMIC, enfin, je suis passée genre de 1300 balles à 2300 balles. Je suis arrivée dans une boîte où on m'a dit bah en fait tu vaux ça, d'accord. Et j'avais un loyer, j'étais en coloc dans un super chouette appart avec des copains et on avait un loyer ridicule, donc ça c'était cool. Donc j'avais, parler d'argent, ça, je m'en fiche, donc je le dis, voilà, j'avais. Ah, moi je suis très pour parler d'argent, je trouve qu'on parle pas assez d'argent, en particulier entre femmes. Donc moi je gagnais 2300 euros net et j'avais 400 euros de loyer. Donc je suis passée de. Ouais, je suis passée de bonjour, je fais la découverte tout le temps depuis 6 ans à bonjour, je peux mettre l'argent de côté et surtout, j'habitais dans le 11e arrondissement et j'y habite toujours et c'est un peu le Disneyland des restos et c'est génial. Donc j'ai découvert des restos, genre des trucs super, genre gastro, bistronomique, des trucs de ouf qui coûtent super cher, des trucs qui coûtent cher. Enfin, j'ai découvert la cuisine sophistiquée, la cuisine de restaurant. Ouais, puis tu pouvais y aller sans devoir te faire inviter, voilà. Sans te foutre sur la paille. Voilà. J'y allais sans penser vraiment à ce qui allait se passer demain ou à la fin du mois. J'étais en CDI, du coup. Je mettais de l'argent de côté, j'ai pu voyager un petit peu, parce que je suis partie au bout de 2 ans de ce taf-là, donc après ça a été rapidement, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai pu mettre de côté, mais j'ai découvert le milieu, j'aime pas ce mot, mais c'est ce mot-là, genre foodista parisien, machin, des tendances parisiennes, des bons restos et tout, quoi. Et j'ai découvert ça-là, et ça m'a ouvert beaucoup de possibilités, parce que dans ma propre cuisine, quoi. J'ai découvert plein d'associations, plein de goûts, plein de produits que je connaissais pas. Et puis j'ai commencé à rencontrer les gens du milieu. Et moi, je me suis pas dit je vais être pote avec les chefs parce que je m'en fous. Je me suis dit je vais être pote avec le mec derrière le bar, quoi. Avec la sommelière aussi, avec les serveurs et les serveuses. Avec c'est les gens que tu vois plus passer en salle aussi. Bah, les chefs, vois, les c'est chefs, derrière. Tu les vois pas. Voilà, et moi, ça m'intéressait de. Enfin, moi, j'aime beaucoup manger au restaurant toute seule. J'aime beaucoup voyager seule et j'aime beaucoup manger au resto seule. Je trouve ça génial. J'avoue que je le ferais si j'en avais les moyens, mais un peu une certaine idée du luxe quand même. C'est-à-dire que tu peux le faire et t'es pas obligé de t'offrir une occasion particulière. Moi, je me rends compte que quand je vais dans un bon resto, pas forcément cher, hein, mais un bon resto, où je sais que les plats sont un peu complexes, un peu sophistiqués, donc je sais qu'il y a un travail de dingue derrière et que je vais devoir l'apprécier à sa juste valeur et j'aime bien reconnaître des goûts et découvrir des choses. Et donc voilà, quand je sais que c'est des choses un peu complexes, bah en fait, je me rends compte que si j'y vais avec quelqu'un, bah tu parles, quoi, t'es pas là pour être en silence. Que quand tu vas avec... quand moi j'y vais avec quelqu'un, bah en fait je mange et puis on discute et puis en fait ouais. je fais beaucoup moins attention à ce que je bouffe et donc je suis déçue à la fin, je suis un peu là genre bah merde, genre j'ai pas fait honneur à tout le travail et la pénibilité en cuisine, à la créativité, à tout ce que les gens qui bossent et les gens qui ont fait les produits, qui ont fait pousser les trucs, ont mis là-dedans. Tu préfères y aller seule? Je crois que je préfère, j'adore aller au restaurant toute seule pour ça. Ou alors, il faut y aller avec quelqu'un qui est dans la même démarche que toi, mais il faut être synchro. Ouais, puis tu vas rester silencieuse et silencieux pendant, tu vois. Ou alors, voilà, tu commences. Et ce que je fais, si je vais avec quelqu'un, bah, je vais juste pas parler quand le truc arrive et je vais passer quelques minutes à l'apprécier sans parler avec la personne en face. Mais parce que j'ai besoin de ce moment-là pour l'apprécier, pour apprécier le travail et la qualité des produits dans l'assiette. Mais ouais, je me rends compte que j'aime bien me faire des bouffes avec plein de copains, soit à la maison ou chez eux ou chez elles, ou bien dans des restos qui sont pas... Enfin, tu vois, genre, aucune envie d'aller me faire un... J'en ai pas les moyens de faire un 3 étoiles, c'est trop cher. Et puis, de toute façon, en vrai, pour être tout à fait honnête, je crois que jamais je paierais 300 euros pour un repas. Je crois que c'est trop indécent pour moi. Je juge pas du tout les gens qui le font. Mais moi, je peux pas claquer autant dans un repas. C'est vraiment au-dessus. J'arrive même pas à me dire que c'est possible. En fait, j'ai du mal à me dire qu'un repas puisse vraiment coûter 300 euros. Oui, moi, c'est les questions que je me pose sur les quelques trucs que j'ai lus ou entendus sur des gens qui étaient allés au gastro, mais genre qui économisent une année pour y aller. Forcément, ça te coûte une part de loyer pratiquement. Et c'est vrai que je m'étais genre, ah, le Noma quand même à Copenhague avec sa super carte, ça a l'air quand même bien. Mais ouais, pareil, tu te dis, à quel moment tu te dis, allez, je lâche autant d'argent pour. Le Noma, c'est un fantasme en vrai. C'est un truc où j'aimerais beaucoup y aller parce que c'est complètement fantasmatique, tu vois. Oui, c'est complètement. dingo. La carte des vins est complètement ouf. C'est dans un coin chouette de Copenhague. Ouais, puis il y a aussi une démarche éthique au niveau des produits derrière. Il a fait beaucoup de travail, Red Zepi et ses équipes. Mm. C'est dingue, il y a un travail de dingue. Ils ont des cuisines de fou, ils fermentent, ils déshydratent, ils font plein d'expérimentations. Mais en fait, dépenser 700 euros dans un repas, je ne peux pas. Enfin, et même si financièrement, un jour, je pouvais. Mais en fait, juste, je ne peux pas. Pour moi, c'est une somme. Enfin, c'est pas possible, quoi. Tout ce que tu peux faire avec 700 euros, en fait, il y a aussi un truc comme ça. Je me sens pas mal, je me sens pas coupable quand je vais au resto et que je dépense 100 balles. Je me sens pas coupable. Je me dis, c'est de l'argent que j'ai gagné, c'est pas l'argent de mes parents, c'est pas un don que m'ont fait, je suis pas héritière, c'est de l'argent gagné à la sueur de mon front, cumulant des jobs. Puis tu vois, dans ces 100 balles, qu'est-ce qui correspond à quoi ? T'as les vins, si t'as les produits, si t'as la manière dont ça a été travaillé. Je mange pas n'importe où, je fais attention au restaurant où je bouffe, que ce soit au niveau éthique humaine ou éthique environnementale, etc. Donc je me sens pas mal quand je dépense pas mal de sous dans un resto. En revanche, j'ai des limites personnelles. Donc encore une fois, je juge pas les gens qui le font, mais j'ai des limites perso. Parce que, à vrai dire, je sais qu'il y a des produits qui coûtent cher. On parlait tout à l'heure en off du caviar. Moi, le caviar, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je préfère 10 000 fois bouffer des œufs de truite, du tarama ou des œufs de limpe, quoi. Oui, le homard, ça coûte très cher, le homard breton, parce que c'est rare, parce que c'est fait de manière. Enfin, tu vois, je veux dire, on sait pourquoi des choses coûtent cher, tu vois, on sait pourquoi les fraises, ça coûte cher, on sait pourquoi les. Mais pour moi, 700 euros dans un repas, je crois que j'y prendrais assez peu de plaisir, parce que je serais tout le temps en train de me dire qu'est-ce qui coûte combien. Et pour être encore plus honnête, je crois que les triples étoilés, c'est là où ça se passe le moins bien en cuisine, en fait. Et voilà. Et j'ai pas envie de me dire que pour garder leurs étoiles, ils sont sûrement en train de traiter les gens comme de la merde en cuisine. Et je donne pas mon argent à n'importe qui. Voilà. Et je dis pas que tout, c'est partout pareil, hein. Évidemment qu'il y a les trois étoiles qui doivent être super éthiques et super réglées bienveillant. Mais en fait, juste le doute, dans le doute, je m'abstiens. Ouais, puis ça va te flinguer ton expérience de te dire pourquoi je paie. Tu paies pour la déco, tu paies pour. Tu paies pour le chef, là, qui fait ses émissions de télé, qui sort ses bouquins. Parce que tu sais très bien combien ils sont payés, les gens en cuisine. Hein. Ils sont payés de la merde en cuisine. Hein. Oui, c'est pas là où tu deviens riche. C'est comme journaliste, hein. C'est pas un taf que tu fais pour être riche. Hein. Et c'est un taf qui est éminemment plus pénible physiquement et psychologiquement. Donc tu sais très bien que c'est des gens en cuisine, il y a beaucoup d'apprentis, il y a des stagiaires, c'est des gens très jeunes, c'est des gens qui font des heures pas possibles, qui sont traités comme de là, il fait chaud et machin. Bon, quand tu sais ce qui revient dans leur poche à la fin du mois, t'es là genre... Bon, donc c'est un choix. Mais des gens font le choix d'y aller. Moi, c'est pas mon choix, mais chacun fait ce qu'il ou elle veut. Voilà, j'ai juste des limites à ce que je dépense pour bouffer. Mais comme pour n'importe quoi, par exemple, jamais de la vie, j'irai m'acheter les fruits en trompe-l'œil de Cédric Grolet, là. Enfin, je veux dire, faut pas déconner. Ou bien les croissants qu'il fait, là, il ouvre sa boutique. Enfin, je veux dire, je sais même plus à combien sont les pâtisseries et les viennoiseries chez lui, mais c'est un tarif indécent. Moi, je comprends pas trop le. Ouais, c'est des trucs qui me dépassent après moi. Je n'ai pas les codes. Non, mais moi, je les avais pas les codes avant, tu vois. Pour moi, un croissant, même ma mère, elle achetait des croissants à la boulangerie ou bien à Leclerc, tu vois. C'est des trucs surgelés. Bon, voilà. La première fois que j'ai goûté un croissant La Durée, tu vois, c'était quand j'étais avec mon mec pendant un an, là, qui était pété de thunes. Et j'ai goûté des macarons La Durée à 14 ans. J'ai goûté les croissants La Durée à 14 ans. J'étais dans des super restos à 14 ans pendant un an que j'étais avec lui. Et j'avais pas les codes et je me sentais vraiment comme. J'ai l'impression que c'était écrit sur ma gueule, que j'étais une prolo, que j'avais rien à faire là, que je savais pas comment parler des choses. Enfin, tu vois, quand j'ai goûté un croissant La Durée ou un croissant d'une putain de boulangerie parisienne, effectivement, oui, il y a une différence, tu vois. Mais je me suis dit, la différence, est-ce qu'elle vaut vraiment X euros en plus et est-ce qu'elle vaut vraiment, je sais pas, ce qui se passe en cuisine derrière. La réponse, elle, non. Comme on dit, la question, elle est vite répondue. Non, mais c'est vrai que oui, il y a une différence de qualité dans les produits. On va pas dire le contraire, évidemment, ça coûte plus cher des bons produits, tu vois. Mais je crois qu'il faut arrêter le retour de hype de la pâtisserie. J'ai écrit un article d'ailleurs sur Slate là-dessus, il y a quelques années, sur la hype des pâtissiers. Parce qu'il y a quand même. C'est pas la même chose, la pâtisserie et les pâtissiers. Mais il y a un retour de hype de pâtisserie. On a les couvreurs, les Michalak, les Lignac, les Grolet. Donc c'est beaucoup d'hommes qui sont quand même mis sur le devant de la scène, qui ouvrent leur boutique avec leur nom, qui font des éclairs, des trucs, des machins. Tu vois, il y a un moment où acheter un éclair à 8 euros, qui en plus est fait avec des produits importés, genre fruits de la passion et vanille. Moi, j'en ai goûté, hein. J'ai goûté et je trouve ça très très bon, évidemment, et heureusement que c'est très très bon. Mais bon, après, tu fais ton choix et tu. Puis là, tu te poses d'autres questions. Bilan carbone. En pâtisserie, c'est un vrai problème, la saisonnalité. Hein. Déjà, les gens qui veulent manger des fraisiers en décembre, Attends, juste le chocolat. Oui. Pour nous, c'est un truc. En fait, on mange tellement de chocolat en France, on a l'impression que ça pousse en France, quoi. Tu sais, quand on parle de saisonnalité, les gens, ils pensent jamais au café et au chocolat et au thé. Je vis complètement dans le déni là-dedans vu ma consommation de thé et de chocolat, mais je sais. Tu vois, on sait que c'est compliqué. En pâtisserie, si tu vends pas de chocolat, tu vends pas. En fait, les gens ils te disent c'est compliqué. Alors il y a des pâtissières qui le font, mais c'est très très dur, quoi. parce que les gens ils vont là-dedans pour bouffer du chocolat et je suis première à avoir des envies de chocolat hein. Mais bon voilà, en tout cas pour moi tout est lié, enfin toutes les luttes ne font qu'une comme dirait Françoise Debonne. Du coup j'essaye d'être éthique dans les choix de bouffe que je fais, et que ce soit par respect pour les humains ou pour l'environnement. Donc je suis pas parfaite hein, regarde, bah oui je bois du thé, je mange du chocolat, mais voilà j'essaye de faire des choix, et mon choix c'est de pas donner 700 € à des chefs stars. Alors ça se trouve, tu vois, on parlera dans 5 ans, j'aurai gagné à l'Euromillion et je serai allée au Noma 4 fois, tu vois. Et tu m'auras invité entre temps. Voilà. Et là, je te dirais, ouais, quand même, le Noma, ça vaut. En fait, j'ai juste du mal à me dire qu'un repas peut valoir 700 €, en fait. C'est aussi con que ça. Ouais, non, mais moi, c'est pareil. Pour rebondir un peu sur ma question de base, le déclic s'était fait au fur et à mesure, et c'est le fait d'avoir commencé à rencontrer des gens qui bossaient en cuisine, dans le sens large des termes, qui t'a permis de te faire un peu de réseau dedans, puis savoir comment ça fonctionnait, le coût du travail, le coût des produits, et au fur et à mesure, t'as continué à... Bah, disons que je m'étais jamais dit que je pouvais écrire sur la bouffe, parce qu'en France, on a une tradition de journalisme culinaire qui est la critique gastronomique et oui. La critique culinaire, contrairement aux pays anglo-saxons, Angleterre ou États-Unis en premier, parce que je dis ça parce que je ne lis pas d'autres langues, en fait, hein, donc je sais pas du tout quelle est la tradition journalistique en Italie, j'imagine que c'est aussi différent qu'en France, ou bien dans des pays d'Amérique latine ou du Sud, enfin j'en sais rien. En tout cas, ce que je lis, moi, je lis beaucoup d'auteurs et d'autrices anglo-saxonnes et anglo-saxons, et la tradition du journalisme culinaire là-bas, c'est toutes les luttes ne font qu'une, quoi, ça infuse. Oui. Dans tout, c'est sociétal, c'est racial, c'est des questions de genre, économique, des questions politiques, enfin il y a tout, des questions de conditions de travail, des questions de goût, des questions de science, des questions de philosophie. En France, on est très en retard sur ce journalisme culinaire-là. Oui, puis quand tu sais que ça a servi à de planque à des anciens collabos, comment il s'appelait le mec qui bossait au Monde, qui est un ancien collabo, qui était critique culinaire. Ah, mais je sais même parce pas que Reynière, il a fait 4 ou 5 ans de prison. Les anciens collabos étaient privés de cartes de presse. Parce que, bon, vu leur contribution à la presse nationale, on s'en passera à tout jamais. T'as plus de dossier politique et économique pour des raisons qu'on n'explicitera pas. Et je crois que t'as plus le droit de passage télé et radio. Et du coup, on les collait sur les rubriques Art de vivre, ah ouais. Qui étaient considérées comme bah, pas très nocives. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que parler de bouffe n'est pas politique. Bah, on est le pays qui, c'est vrai, inventait la gastronomie française. Bon, on se repose sur ça pour ne pas avancer et pas se remettre en question. Les restaurants sont nés en France. C'est en France qu'est née la rationalisation de cette gastronomie, le service, machin, la France et tout. Historiquement, on est quand même important dans cette histoire-là, mais on ne se remet jamais en question là-dessus. Et surtout, en France, la bouffe est déconnectée du politique, et ça, c'est juste, moi, ça me rend dingue. T'as l'impression d'avoir inventé l'eau chaude quand tu proposes un sujet sociétal par rapport à la bouffe, ou politique, ou philosophique, ou par rapport à des questions de genre, quoi. Et je sais que c'est pas nécessairement la faute de journalistes qui, je le cherchent à vendre des sujets comme ça à des médias, mais qui leur disent bah non, c'est pas vendeur, les gens ils veulent des portraits de chefs étoilés, gnagnagna. Donc voilà, c'est aussi les médias qui doivent se remettre en question sur c'est quoi la bouffe en fait et comment les gens veulent entendre parler. Le regain de rockstaritude des chefs depuis pas mal d'années avec les émissions comme Top Chef, Master Chef, tous les portraits, les bouquins, etc., bah ça a pas aidé parce que bah on a une starification, une starisation des chefs, une espèce de déferlante de gens qui pensent que c'est leur vocation et qui savent pas du tout ce qui les attend en cuisine, et donc les gens, c'est vrai, bah, sont hyper intéressés, sont fascinés par cette figure du chef ou de la chef et se demandent pas trop d'où viennent les produits dans le restaurant, se demandent pas trop comment elles sont traitées en cuisine. Donc il y a une décorrélation. Ni dans les médias, là, cet été. Ah, je voulais rebondir là-dessus, c'est bien. Pour ma première interview, on n'a pas pu en parler. Mais même dans la manière dont les gens sont traités dans les médias, tout le monde n'a pas la même starification. Là, j'ai vu que tu avais relayé ça sur Twitter, c'est comme ça que je l'avais su, je crois d'ailleurs. Mais que le Bon Appétit, là, ce qui a sauté cet été, tu fais genre, ah ouais, en fait, c'est vraiment, vraiment partout, quoi. Et Bah oui, voilà, même les médias qui ont l'air d'être... Cool. Ouais, cool, et surtout d'être conscientisés, d'être inclusifs, exactement, qui te disent, bah regarde, on a plein de collaborateurs et collaboratrices non-blancs et non-blanches, on a des personnes queer et tout, mais quand tu regardes les postes auxquels ils ou elles sont, ce qu'ils ou elles écrivent, et quand tu regardes que les blancs s'approprient des cultures culinaires sans les citer, voilà, il y a eu des gens qui sont pas rémunérés, Sola était pas rémunérée. Mais il y a eu un gros backlash mérité, et il était temps. Dans tout ce milieu culinaire qui se congratule, qui est un milieu très incestueux en France aussi, hein. Mais en tout cas aux États-Unis, voilà, et sur les violences en cuisine, le MeToo de la restauration, il est devenu aux États-Unis depuis Weinstein en fait aussi, hein. C'est-à-dire Mario Batali, etc. Enfin, il y a eu déjà des affaires, des plaintes, des procès et tout, des restos qu'on ferme à cause de ça, des mecs qui sont grillés dans le milieu, des femmes qui sont grillées dans le milieu aussi. On demande des comptes aux gens. En France, c'est pas encore le cas, mais les médias sont très très responsables de ça. Sur les violences en cuisine, plus particulièrement, il y a une interdépendance qui s'est créée entre les médias et les chefs, puisque les médias sont devenus les relais marionnettes des communiqués de presse des chefs et de leur storytelling à la mort moelle-neuve. Donc, tu relayes tout. Vraiment, t'es devenu le perroquet des RP, quoi. Tu deviens un peu une agence de com. T'es une agence de com. T'es invité à manger à leur resto. Donc, tu dois ressortir tous les éléments de langage. Tu les crois sur parole. Et surtout, tu vas jamais parler aux gens qui sont dans la cuisine avec ces chefs. Parce qu'en plus, ces chefs, quand ils ont 4 restos à gérer, 5 émissions de télé et 29 livres, ils sont jamais en cuisine. Faut pas se mentir, pas se voiler la face. Les chefs étoilés, il y en a beaucoup qui sont plus en cuisine. Puis quelle marge de manœuvre t'as à aller parler au personnel, sachant que tu viens avec un groupe média et que t'as le big boss derrière. On te paye le resto quand on t'invite comme ça. Je peux t'embêter sur une question à peu près relative à ça. J'ai vu que t'étais partie en voyage de presse au Japon. Ouais, c'était. Et que t'as mangé des trucs. Ouf. Donc c'était pareil pour des restos. J'étais invitée donc par une agence qui s'occupe de plusieurs agences de tourisme dans les pays. C'est une agence qui s'occupait donc de l'office de tourisme de la région de Hachinohe, qui est au nord du Japon, qui est un peu, on dirait un peu la Bretagne du Japon. C'est fantastique. Moi, c'était mon rêve d'aller au Japon. Ils mangent du sarrasin. De toute façon, le sarrasin, c'est la vie, quoi. Mais du coup, c'était incroyable. Moi, c'était mon rêve d'aller au Japon. C'est un pays, ça coûte très cher. J'ai pas les moyens d'y aller. Et donc, c'était ouf parce que c'était inattendu. En plus, j'avais lu le bouquin que je recommanderais. J'avais lu Nagori, qui est un bouquin d'une autrice japonaise, Sekiguchi, et c'est vraiment génial. Et j'avais lu 3 livres. Et donc, j'avais lu plein de trucs sur le Japon. Et genre, 2 semaines plus tard, on me dit, tu peux pas venir au Japon? J'étais là, what? Oui. Et donc, je suis allée au Japon et c'était pour la région de Hachinohe. Donc, c'était pour une région. J'y suis allée pour l'officiel homme pour écrire un article. Donc, c'est pour le tourisme, quoi. Et moi, vu que c'était sur le côté bouffe, bah, du coup, c'était intéressant. Mais on faisait tous et toutes le même parcours, hein, journaliste. Donc, t'avais des journalistes qui bossaient pour la PQR, une journaliste qui était pigiste sur l'histoire. Donc, on avait chacune nos trucs. C'était pas pour des restaurants, c'était pas pour des chefs, c'était pour une région. Donc, t'avais plus de marge de manœuvre, peut-être. Ah, bah, je dis ce que je veux, en fait. Ouais. Mais donc il y a moyen de le faire bien en fait. Je serais pas allée sinon. Bah ouais. Moi j'avais été invitée à Singapour par contre l'année d'avant. C'était mon premier voyage presse pour les 50 Best. Donc ce classement des 50 meilleurs restos du monde, quoi que ça veut dire. Et j'étais invitée à Singapour parce qu'il y avait la cérémonie qui s'est passée là-bas, que Anne-Sophie Pic, chef étoilé, ouvrait un restaurant là-bas. Il y a aussi un Français qui avait ouvert un restaurant Odette là-bas et qu'il y a beaucoup de choses autour de la bouffe qui se passent là-bas. Moi j'étais invitée pour ça, mais j'ai mangé gratos du Anne-Sophie Pic. J'étais heureuse que c'était un de mes rêves. Franchement, c'était ouf. Pareil, ces trucs sont tellement chers que voilà. Bon, j'étais ravie. J'ai mangé dans plusieurs restos très cool. Mais moi, j'y allais pas pour faire des critiques de resto. J'y allais pour parler de Singapour. Et mon article parlait des food courts de Singapour à ciel ouvert. Donc, on appelle les hawker centers. Donc, ces endroits où tu peux prendre à bouffer dans plein de petites gargotes là. Et qui sont en péril parce que les jeunes veulent pas reprendre ça. Parce que c'est des métiers difficiles et tout. Donc, voilà, j'étais pas pour parler d'un resto. Donc, marge de manœuvre, oui. Je faisais ce que je voulais. Donc, mon article s'appelle « Comment l'impératif écologique aliène les femmes ». Il m'arrive quelquefois, quand je suis en train de fabriquer mon déodorant, de la poudre pour le lave-vaisselle ou bien de la brioche, ça je l'ai fait une fois, c'était foiré en vrai, de vivre une sorte d'expérience extracorporelle très ambivalente. Produire moi-même toutes ces choses que je pourrais acheter toutes faites à moins de 5 minutes à pied de chez moi, parce que j'habite à Paris dans le 11e, donc j'ai beaucoup de chance, me procure à la fois une satisfaction intense de type « c'est moi qui l'ai fait, en plus c'est complètement écolo, fuck le capitalisme », suivie d'une vertigineuse remise en question de mon engagement féministe. Comment puis-je être là courbée et suante dans ma cuisine à pétrir de la pâte, à mesurer du percarbonate de soude ou à faire fondre de la cire d'abeille, tandis que l'homme avec qui je vis depuis plusieurs années est vautré sur le canapé devant une série parce que le sort de la planète me préoccupe davantage que lui. Comment se fait-il que je passe des heures à décrypter les étiquettes des gels douches, du miel, à comparer leur prix au litre, à racheter de l'huile essentielle de menthe poivrée, le tout sur 3 sites différents, alors que ces produits, nous serons 2 à les consommer. Je pense aussi à mes amies féministes qui pourraient tout aussi bien acheter leur compote, leur yaourt et leur petit pot au supermarché, mais qui passent des heures à écumer le net pour trouver des recettes et davantage d'heures en cuisine pour les préparer elles-mêmes, parce qu'au moins, je sais ce qu'il y a dedans et c'est meilleur pour la planète. Ai-je, avant nous, trahi les féministes qui se sont battues pour que les femmes puissent sortir de la sphère privée, se libérer d'un travail reproductif non rémunéré, aliénant et accéder au marché du travail ? Le féminisme est-il soluble dans l'écologie ? D'après une étude menée en 2015 par le Pew Research Center dans 11 pays dits développés, parmi lesquels l'Allemagne, la Corée du Sud, les États-Unis ou encore le Canada, Les femmes sont plus préoccupées et se sentent plus directement concernées par le changement climatique. Elles sont inquiètes que ces bouleversements leur nuisent personnellement. En France, aux dernières élections européennes, 2 fois plus de femmes que d'hommes, 17% contre 9%, ont voté EELV. En 2018, et là, attention, là, parce que là, on arrive sur un truc, franchement, mais j'étais là, mais c'est pas possible, quand on en est là. Une étude américaine indiquait que les comportements écolos, comme, je cite, « aller à l'épicerie avec un sac en toile réutilisable plutôt qu'un sac en plastique », étaient perçus comme féminins. Ouais. Si les femmes semblent plus sensibles que les hommes aux problématiques environnementales, ce n'est pas parce qu'elles sont nées avec un gène vert. L'empathie, par exemple, n'est pas une caractéristique biologique innée et spécifique aux femmes nées avec 2 chromosomes X, mais relève de la socialisation des petites filles. En somme, elle n'est pas liée au sexe, mais au genre. Le travail, on dit du care, du soin, traditionnellement assigné aux femmes, qu'ils soient rémunérés comme puéricultrices, aides-soignantes, auxiliaires de vie, ou non rémunérés, garder des enfants à la maison, s'occuper des personnes âgées gratuitement, requiert des qualités dites féminines qui le sont uniquement parce que la société en a décidé ainsi. En ce qui concerne la protection de l'environnement ou la préservation des ressources naturelles, ce n'est pas que les femmes sont naturellement plus proches de la nature, parce que moi, on m'a déjà dit, mais attends, c'est pas... Vous, les femmes, quand même, il y a un truc, tu sais, ou quoi, bah, je sais pas, la lune... Et en vrai, ils ont rien dit, la lune, t'es là... Ben, je suis pas allée au Sémon Atlantique, en fait. C'est d'abord qu'elles ont donc été éduquées différemment des hommes, mais aussi parce qu'elles sont les premières à pâtir du changement, climatique et de la destruction des écosystèmes. Depuis quelques années, l'écoféminisme revient sur le devant de la scène, baptisé ainsi par l'autrice et philosophe française Françoise Daubonne dans Le féminisme ou la mort en 1974. Rachel Carson, biologiste américaine, l'avait conceptualisé 10 ans auparavant dans son best-seller Le printemps silencieux. Pardon. À l'époque, d'ailleurs, comme aujourd'hui la jeune militante Greta Thunberg, on la traitait de, je cite, « femelle hystérique » et, je cite, « d'écolo fanatique ». L'écoféminisme tisse des liens entre l'oppression de la nature et celle des femmes, toutes deux exploitées et soumises par le patriarcat et le capitalisme. Cette double éthique revêt plusieurs formes à travers le monde, mouvement des femmes semencières dans le sud, dans les suds, antinucléaires dans le nord, spiritualistes, matérialistes, antispécistes. Concrètement, alors... C'est en gros, hein, sinon j'ai écrit un article dessus, il y a des gens qui ont écrit des livres. CF, je vais citer Myriam Bafou 25 fois aujourd'hui. Lisez-la, voyez-la, parlez-lui. Concrètement, l'écoféminisme milite pour la réhabilitation de la place des femmes dans la société, la réappropriation de leur corps, de leur travail et la préservation de la nature. En 1992, la 3e conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, celle à Rio de Janeiro, adopte un texte. Donc c'est un truc officiel, hein, dont voici le principe numéro 20. Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. Voilà, fin de citation. C'est pas drôle ? Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on s'en fout de ce principe, quoi. Dans les pays en développement, ce sont les femmes qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. En cas de catastrophe naturelle, les décès chez les femmes sont jusqu'à 14 fois plus élevés. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, parmi les 200 000 morts et mortes du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, 80% des victimes en Indonésie étaient des femmes, 73% en Inde et 65% au Sri Lanka. Tandis que les hommes se trouvaient en ville pour travailler, les femmes, elles, étaient restées en zone rurale, pour s'occuper de leur famille ou gagner leur vie, souvent en déchargeant les bateaux de pêche. Des femmes dont peu savaient nager ou pouvaient grimper aux arbres pour échapper à la montée des eaux. Autre exemple, la pollution liée aux déchets électroniques, en majorité par les femmes et les enfants, le déversement des substances toxiques dans les cours d'eau qui ont un impact sur la santé reproductive des femmes, mais aussi sur la santé de leur famille dont elles devront s'occuper. Ce sont elles les travailleuses précaires de l'agriculture, la main-d'œuvre pas chère que la révolution verte a ignorée. Sans accès aux machines, aux formations, aux prêts et aux intrants, les intrants c'est donc les pesticides, les engrais, leurs exploitations sont plus modestes que celles des hommes et elles dépendent plus que des ressources naturelles. Ce sont toujours les femmes qui parcourent des distances de plus en plus grandes à cause des sécheresses à répétition et de la déforestation pour aller chercher de l'eau ou le bois nécessaire au foyer, et pour manger, hein, littéralement. Garantes de la sécurité alimentaire de leur famille, ce sont les premières touchées par la famine. Là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis de chiffre, alors que dans mon livre, il y a un chiffre. Non. Mais effectivement, les femmes sont les premières touchées par les famines, notamment dans les Suds. Les femmes et les filles, d'ailleurs, et les femmes, les mères, se sacrifient en premier quand il faut que tout le monde puisse bouffer. Bah, c'est elles qui disent bah, non, on n'a pas, je la laisse. Dans les pays du Nord, si l'avènement de la société de consommation a allégé le temps de travail domestique de nombreuses femmes grâce au supermarché, à l'électroménager ou aux plats préparés, et encore c'est que les femmes qui ont le privilège de pouvoir sacher tout ça, les hommes ne se sont pas davantage investis. D'après l'INSEE, si les femmes consacrent aux tâches domestiques 22 minutes de moins qu'il y a 11 ans, ok, donc, devinette. Donc, il y a 11 ans, les femmes passaient 22 minutes en plus aux tâches domestiques. Devinez combien de temps en plus les hommes passent aux tâches domestiques en 11 ans. 5. Qui dit un chiffre? 5. Une. Donc la solution, c'est pas les hommes, c'est le micro-ondes. Or, on observe depuis une grosse dizaine d'années, surtout chez les femmes blanches, diplômées avec un fort pouvoir d'achat, une résurgence de ces arts ménagers rendus visibles, valorisés et validés, mais toujours pas rémunérés, par les réseaux sociaux. Pâtisseries, cosmétiques naturels, produits de nettoyage chez maison, récup, certaines femmes quittent même leur job pour s'occuper des poules et du potager fraîchement aménagé dans leur jardin. L'autrice américaine Emily Machar a écrit un livre sur le sujet intitulé « Homeward Bound, Why Women Are Embracing the New Domesticity », donc « Retour au foyer, pourquoi les femmes adoptent une nouvelle domesticité ». Et quand j'ai interviewé pour j'avais un podcast sur le plan culinaire pendant un an et on l'a interviewé. Elle m'a expliqué que ce comeback des yaourts faits maison ou du point de croix a commencé dans les années 90 avec une volonté presque politique de réappropriation, et là je la cite, « une dimension très consciente du genre « on sait qu'on fait quelque chose de typiquement féminin, mais on le fait de manière très radicale et moderne. Les crises économiques, environnementales et sanitaires ont fait prendre à cette logique progressiste une dimension plus collective. Je fais du bien à ma famille, à l'environnement, donc à l'humanité. » Et je cite Mona Chollet, « peut-être que l'absence de perspectives de tous ordres, la dureté des relations sociales provoque un repli des femmes sur les domaines qui leur ont toujours été réservés, et qui, jugés étouffants il n'y a pas si longtemps, leur apparaissent désormais comme des abris préservés, intimes, rassurants, parés de tous les attraits. » C'est dans l'essai « Beauté fatale » qui doit être à la librairie là-haut. Dans une société patriarcale qui valorise la femme dévouée et nourricière, faire son propre pain et acheter des couches lavables procure un sentiment de fierté et de satisfaction qu'on ne tire pas nécessairement de son travail rémunéré. D'après Emily Machar, d'autant plus important qu'on affiche tous ces efforts-là sur Instagram ou sur son blog. Pendant ce temps, les hommes, même s'ils ne sont pas forcément plus épanouis au boulot, ne fabriquent pas leur shampoing solide, mais continuent d'être rémunérés et starifiés pour leur cuisine anti-gaspi ou leur pâtisserie en trompe-l'œil. Bisous, Cédric Grolet. Les féministes des années 60 s'étrangleraient devant la revalorisation de ce retour au foyer, elles qui ont dénoncé l'oppression des femmes à travers la division sexuelle du travail et l'exploitation de tâches essentielles mais non rémunérées au bon fonctionnement de la société. Il paraît que prendre soin des autres est une preuve d'amour. On attend des femmes qu'elles soient altruistes, qu'elles se sacrifient pour le bien commun, surtout lorsqu'elles sont mères. Car avec la psychose sur les produits transformés, la diabolisation du gras, du sucre et du sel, ce sont les mamans qui se coltinent principalement la responsabilité de ne pas empoisonner leurs enfants et la pression sociale d'être une bonne mère, quoi que ça veuille dire. Quand je vois mes amis passer 4 heures en cuisine le dimanche pour préparer tous les repas de la semaine parce que c'est plus sain et que ça coûte moins cher, quand elles cousent leur lingette démaquillante lavable parce que c'est meilleur pour l'environnement, je songe aux cours d'économie domestique dispensés aux filles uniquement aux filles, au siècle dernier. Et je me demande en quelle mesure il s'agit là d'un choix bien réel ou si ça constitue une insupportable régression. Car outre la charge mentale, avec l'impératif écologique, une pression supplémentaire s'exerce désormais au quotidien sur les épaules des femmes, la charge morale. Manger local et ou bio, gaspiller le moins possible, réduire les emballages, donc opter pour du réutilisable, souvent lavable, qu'est-ce qui le lave ? Les corvées de lessive, les couches lavables. Parlons des couches lavables. C'est une catastrophe, les couches lavables. Bannir les produits transformés et les remplacer par du fait maison, avoir une salle de bain écolo dépourvue de perturbateurs endocriniens et autres pétrochimies, remplacer les cotons, les couches, les protections hygiéniques par des équivalents lavables, encore la corvée des cibles. D'autant qu'au travail domestique, ça nous celui de l'apparence pour éviter de faire chuter son argus sur le marché de la bonne meuf, comme le dirait Dépense. Les femmes sont sommées de repulper, rajeunir, dépolluer, détoxifier, nourrir, hydrater, apaiser, purifier, défatiguer, raffermir, tonifier, revitaliser, illuminer, lisser, oxygéner, soigner, raviver, défroisser, exfolier, épiler, gainer, galber, masser, palper, rouler, limer, vernir, maquiller, mais bombarder d'injonctions contradictoires par la presse féminine. Parce qu'on suggère aux lectrices d'adopter une routine beauté en 25 étapes. Et autant de produits différents, on empile les pages de pub ou les publics communiqués vantant les mérites d'onguents miracles bourrés de pétrochimie, puis on les enjoint, quelques rubriques plus tard, de garder une salle de bain minimaliste et choisir soigneusement leurs produits pour un impact moindre sur l'environnement. En somme, on culpabilise les femmes de surconsommer et de détruire l'environnement avec leurs aérosols et leurs masques aux silicone, tout en les poussant à la consommation des dix produits. Mais moins consommer ou consommer mieux demande du temps. Du temps qu'on passait auparavant à prendre soin de soi, à lire, à sortir, écrire, militer, à travailler, contre rémunération. Décrypter les étiquettes, faire la chasse aux ingrédients problématiques ou dangereux dans les produits d'hygiène, alimentaires et ménagers, finir par fabriquer de guerre lasse son propre déo et son nettoyant multi-usage, faire ses courses dans trois endroits différents, coudre ou chiner ses vêtements, parcourir le web à la recherche de recettes et astuces de grand-mère, préparer des vacances zéro carbone, tout ça représente un surcroît de travail dévolu encore une fois aux femmes, des activités chronophages et épuisantes mentalement et physiquement, mais exécutées au nom des générations futures. Aujourd'hui, les injonctions et les gestes écolos des plus privilégiés ne font qu'exacerber et renforcer la division sexuelle et travail tout en concurrençant l'engagement féministe. En plus de laisser sur le bas-côté des femmes du Sud, ils confinent à nouveau les femmes dans la sphère privée, en les poussant à diluer une fois de plus leur individualité au nom du collectif et à sacrifier leur idéal féministe au nom d'une cause soi-disant plus grande. Il leur faudrait sauver la planète, la sauver de ceux-là même qui demeurent frappés d'inanité lorsqu'il s'agit de combattre les inégalités hommes-femmes. Non pas qu'écologie et féminisme soient fondamentalement incompatibles, mais si l'on continue à laisser aux femmes le fardeau du care tout en persistant à les exclure des institutions politiques et économiques en dépit du bon sens, ce ne sont pas nos exfoliants maisons qui amélioreront le sort des paysannes indiennes, ni nos lubriques composteurs qui reconfigureront un système patriarcal et capitaliste destructeur. Après la sortie de ton livre Féminisme, quel retour tu en as eu? Qu'est-ce que tu en as retenu? Sur l'impact du livre, ou en tout cas ce qui a suivi et tout, depuis 3 ans, c'est fou parce que je me rends compte que ce sont encore des sujets qui n'ont pas été abordés depuis. Les liens entre alimentation et sexisme systémique. Du coup, c'est vrai que je suis la personne qu'on interview, qu'on invite pour parler de tous ces liens. Et mon livre est transversale en fait, donc je parle autant d'agriculture que de grossophobie, que de carnisme, de véganisme, d'antispécisme, de gastronomie, de violence en cuisine, de tâches domestiques, de charge mentale, donc c'est... Mais oui, c'est incroyable, il est hyper dense et t'as tout en même temps et c'est hyper facile à lire en même temps, enfin parce que vu que tout est très cohérent et tout est très imbriqué, au final ça tient en... Quand Nourriture Fume m'a contacté, on est tombé d'accord sur le fait qu'on voulait faire un bouquin pédago. Moi, je n'ai pas du tout de background universitaire, je ne suis pas chercheuse. Et j'ai eu pendant très longtemps un complexe d'infériorité en me disant que je n'étais pas capable de lire des bouquins de sociaux parce que je n'avais pas le background nécessaire, parce que je n'avais pas l'habitus culturel nécessaire, parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas, parce qu'il y a des choses qui sont très dures à lire, parce qu'il y a des choses, vraiment, si tu n'as pas fait 4 ans de sociaux, tu ne comprends pas de qui on parle, de quoi on parle. On te name drop des sociologues et le concept, tu vois, je viens de dire le mot habitus, tu vois, c'est pareil, je fais les trucs que je n'aime pas qu'on fasse. Mais du coup, après, voilà, on essaie d'être un peu concise. Mais du coup, je voulais vraiment un livre. Je me suis dit, je veux un livre que mes parents puissent lire. Mes parents, ils ont arrêté l'école. Ma mère, elle a arrêté l'école à 13 ans. Mon père a dû arrêter l'école à 12, 13 ans aussi. Ouais. Donc, je voulais que ce soit un livre qui soit accessible à tous, à toutes, qui que tu sois, où que tu sois, pour peu que tu parles français. Voilà, qu'il n'y ait pas des mots trop compliqués ou que je les explicite, parce que du coup, on apprend aux gens des mots. Hein, on n'est pas là pour parler des gens comme s'ils avaient 5 ans. Hein. C'est bien d'apprendre mais des voilà, mots donc aussi. Moi, j'aime bien qu'on me parle comme ça et qu'on m'explique des mots. J'aime pas me sentir conne devant un livre, en fait, ou devant un discours, ou devant n'importe quoi. Donc, bref, le livre est dense, effectivement, mais parce que fallait mettre tout ça dedans. Je voulais pas j'ai encore plein de trucs à dire, tu vois, donc j'ai laissé des choses de côté, mais du coup, vu que c'est en France, en tout cas, le seul livre qui traite de ces sujets, parce que moi, si tu regardes la bibliographie, c'est que les trucs anglo-saxons quasiment. Parce que justement, en France, on ne s'est pas du tout intéressé à ces questions qui mêlent alimentation et genre. Donc, 3 ans après, c'est toujours d'actualité. Hein. Les tâches domestiques, ça n'a pas bougé. C'est toujours les femmes qui le font. Les violences en cuisine sont des violences sexistes pour la plupart. La grossophobie existe toujours. L'anorexie existe toujours. Il y a de plus en plus de petites filles. C'est de plus en plus jeunes qu'elles développent des troubles du comportement alimentaire. Les garçons aussi, maintenant. Les réseaux sociaux, ça fait toujours autant de mal aux gens. L'agriculture, il y a toujours aussi peu d'agricultrices, d'exploitantes et de propriétaires foncières. Donc, voilà, je veux dire, rien n'a changé. Bon, on va me dire... On est toujours, ouais, mais Nora, ça évolue. Bah, merci, c'est quoi cette phrase de merde? Bah, évidemment, heureusement que ça évolue, parce que sinon, tu sais, on aurait laissé tomber, on aurait jeté l'éponge, quoi. Donc, bah oui, ça évolue, mais ça évolue sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, ça évolue que dalle, en fait. Regarde, on a eu le droit d'avoir un chéquier en 65, merci bien, c'était hier en 65. Ouais, tu vois. Il y a une marge de progression qui est encore. Mais non, mais c'est, c'est l'infini, en fait, c'est pas possible, quoi. On peut que évoluer, hein. C'est donc, ça, en fait, oui, c'est que il y a des choses qui régressent dans le monde et sur les droits reproductifs, etc. Bien sûr, tout va régresser si on fait pas attention, mais c'est vraiment une bonne phrase de merde, ça, de dire que. Il y a des choses qui évoluent. Ah, mais ça pourrait être pire. Ah, bah ouais, oui, ça pourrait être pire ailleurs. Rien, ah bah, vous devriez être contente en France. Mais pourquoi vous êtes contente en France? C'est encore pire, cette phrase-là. J'avais envie de leur mettre le nez dans leur couille quand on me dit, parce que c'est quand même les hommes qui disent ça. Bref. Donc voilà, depuis 3 ans, bah, moi, j'en retiens que, bah, on n'a pas trop bougé. Mais ce qui est cool, c'est que les concepts de charge mentale, par exemple, bah, on en reparle encore avec le confinement, d'autant plus. Le confinement a amené beaucoup de questions d'alimentation. Je comptais te poser la question l'écoféminisme et la bouffe. Alors, l'écoféminisme, pareil, c'est le concept qui revient depuis quelques années. Moi, quand j'ai écrit le bouquin, j'en parle dans le livre, l'écoféminisme. Et du coup, on m'a dit, ah, mais c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est machin. Mais sur le concept de charge mentale, de tâches domestiques, pendant le confinement, c'était une catastrophe pour les femmes, d'autant plus les femmes qui ont des enfants, d'autant plus, donc les mamans qui sont tapées des tonnes de charge mentale supplémentaires, qui ont dû tout gérer, qui ont pété des gros câbles. Qui n'ont pratiquement rien publié pour les chercheuses. Exactement. J'en ai parlé avec une amie qui est doctorante et qui a un enfant en bas âge, qui est enceinte du deuxième. Et il y a un chiffre qui est sorti aussi dans l'essai de Lorraine Bastide qui disait que... Et c'est ce que mon amie avait constaté avec les femmes de son entourage universitaire. Elles n'ont pratiquement rien sorti. Ouais, elles n'avaient pas le temps, alors que les mecs... À la fin du confinement, il y a cette étude, je crois qu'elle est américaine, qui a été faite et qui donne ces chiffres-là, qui sont terribles, hein, évidemment. Mais ça, bon... Je veux dire, est-ce qu'on s'en étonne? Enfin, je veux dire, les féministes ne sont pas étonnées, en fait. On n'est pas étonnées, on sait comment ça marche. Et après, on va t'essentialiser en disant, mais parce que les femmes, en fait, elles sont là. Tu vois, en fait, elles avaient envie de s'occuper de leurs enfants. Non, en fait, elles n'avaient pas le choix. C'est comme, perso, moi, je n'avais pas le choix. J'ai fait à manger tous les jours. Ben voilà, il n'y a pas de resto, ben tu te démerdes. Et moi, je n'avais pas envie de me faire livrer de la bouffe par des Deliveroo et des Uber Eats précaires de ouf, leur faire prendre des risques à eux et à elles. Enfin, surtout à eux, c'est comme beaucoup d'hommes, hein, disons-le. Pour venir me faire livrer, petite bourgeoise. Je dis pas que je me fais pas livrer de trucs, hein. Je me fais livrer de la bouffe, j'assume totalement. Mais je boycotte Deliveroo et Uber Eats notamment. Et eux bossaient beaucoup pendant le truc. Et surtout, j'ai pas envie de mettre la vie de gens en danger pour me faire livrer des putains de sushis. Donc, j'ai cuisiné tous les jours. Mon mec ne cuisine pas. Concernant la cuisine, mon mec m'aide. C'est mon commis, donc il coupe les trucs, machin, ce qui me fait économiser un temps précieux. Donc, mais c'est moi qui ai la charge mentale de la bouffe à la maison. Des courses, il y a quoi dans le frigo? Qu'est-ce qu'il faut manger quand? Les restes, les trucs, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Enfin, tu vois, donc... Qu'est-ce qui ne doit pas se perdre? Exactement, qu'est-ce qu'il faut manger? Les dates de péremption, les trucs, j'ai tout dans la tête. Donc pendant le confinement, ouais, je gérais ça. Et à un moment, j'ai pété un câble, je lui ai dit, écoute, en fait, c'est plus possible, il va falloir que. Enfin, je ne sais pas comment on va faire, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose là. Puis vous travaillez tous les deux en plus. On travaillait tous les deux. Alors moi, j'ai un autre job par ailleurs qui m'a fait sortir de chez moi tous les jours pendant le confinement. Et lui, bah, il bossait à la maison. Donc tous les jours, je bossais, lui aussi. On ne s'engueulait pas du tout. Enfin, tout s'est très bien passé pendant le confinement. Il n'y a pas de, enfin, voilà, il y a pas de tension entre nous dans l'appart. Peut-être parce que vous sortiez aussi. Mais, bah, non, mais c'était vraiment... Non, même pas pour ça. C'est, enfin, ça allait. Ça va, tu vois. Mais sur la bouffe, c'était un truc incroyable. Et donc, on a beaucoup parlé de ça pendant le confinement. De la bouffe. Évidemment, c'était devenu le centre... la préoccupation de plein de gens, tu vois, la bouffe, parce qu'il n'y a pas la cantine. Donc les parents ont dû, ou les nounous, ont dû faire la bouffe qu'ils, elles, ne faisaient pas d'habitude. Chaque jour, fallait acheter de la bouffe beaucoup plus souvent. Les gens faisaient des provisions, il n'y a pas de ticket resto, il n'y a pas de resto. Les gens sont devenus fans de pâtes et de PQ. Exactement. Voilà. Donc moi, j'avais publié des recettes faciles sur Slate à l'époque. C'est vrai. C'était cool, les gens m'avaient dit que c'était vraiment très chouette. Et voilà, donc on a parlé de bouffe, de charge mentale, on a parlé des agriculteurs et agricultrices, hein, qui étaient en galère totale, qui devaient jeter des tonnes et des tonnes de denrées périssables, des fraises, quoi. Voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives solidaires, donc on a beaucoup parlé de nourriture, ça obsédait tout le monde, la nourriture, pendant le confinement. Oui, très vite. Ouais. Sur le milieu de la restauration, bah, les gens qui étaient au chômage technique, tout à coup, n'allaient plus au travail la boule au ventre, comme on en parlait tout à l'heure sur le questionnaire lancé avec Camille Moncarnel. Mais du coup, voilà, 3 ans après, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a encore des choses à écrire. Je suis en train d'écrire un deuxième livre, toujours chez Nourriture Fu, voilà, qui parlera toujours de genre et de bouffe. C'est le féminisme 2, non, c'est travail. C'est un peu ça. On peut lire les deux séparément, on n'a pas besoin d'avoir lu un pour lire deux. C'est pas une suite, c'est pas une vraie suite, mais c'est voilà, dans la continuité. C'est le spoiler, no spoiler. Voilà, c'est la continuité de ma réflexion sur genre et bouffe. Et du coup, pour l'écoféminisme, bah, ça tombe bien que tu le lises tout à l'heure, parce que j'avais prévu de te poser des questions sur l'article que tu as sorti sur Slate l'été dernier sur écoféminisme et charge mentale. Pareil, comme tu disais avant, tu avais vu que pendant le confinement, ça avait été une cata. Et toi, tu parlais de ta pratique personnelle dans l'article. Donc bravo, enfin, moi, je vais pas la déterre hein, pour tout ça. J'ai ma lotion pour le visage, fabriquer mes produits ménagers... Et ça, pareil, tu pourrais réécrire la même chose maintenant, le même constat, ouais. En un an, ça... Ah, mais rien n'a bougé. C'est même pire avec le confinement ça a été pire. Bah, rien ne change. Après j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens... Il y a eu un ou deux articles intéressants là-dessus. Des gens qui, en fait, pour qui le confinement, ça les a fait vriller. C'est des gens qui étaient genre, je composte, je recycle, je bouffe bio, je fais tout, fais maison, je commande pas ailleurs, je vais pas au McDo... Je fais mes produits ménagers, oui, et machin. La relâche, et qui, en fait, la relâche sans jugement de valeur. Bah ouais. Mais non, des non, gens mais arrêté, non, quoi. On peut le dire sans jugement de valeur. On peut dire, ils se sont dit, ok, là, en fait, on est en pleine pandémie. On va tous crever. Et juste, je dois gérer tout à la maison. Et j'ai plus la force. Puis il y a plein de trucs qui sont plus à proximité de chez toi. Si tu fais. Enfin, moi, je limitais mes déplacements. Il y a des magasins où j'allais plus. Ben voilà. Et même les commandes, les trucs n'arrivaient plus. Tu commandais sur Internet tes produits pour fabriquer ton savon. Oui, il y a aussi ça aussi. Tu pouvais plus. Donc y a des... Et puis, mais surtout, c'était vraiment une manière de prendre soin de soi et de se dire, je vais m'enlever quand même des choses de charge mentale parce que juste, je peux pas tout gérer. Là, il y a trop de trucs à gérer tout à coup. C'est trop compliqué. C'était déjà compliqué avant et chronophage. Maintenant, ça le devient encore plus pendant un confinement et une pandémie mondiale. Donc, c'est des gens pour qui tout à coup se sont dit, bah, tu sais quoi, fuck it en fait. Je vais manger des surgelés. Ouais, j'ai bouffé que du surgelé. Voilà. Je vais me faire des pâtes au ketchup et des chocs à pique en dessert ou en plat, tu vois. Je vais acheter du Axe à me mettre sous les bras et pas faire mon déo au bicarbonate papa. De soude, tu vois. Je vais racheter des couches industrielles et pas faire mes couches parce qu'il faut les laver 14 000 fois par jour. Donc voilà, qui se sont dit, tu sais quoi, en fait, fuck it. Là, juste, j'en ai ras le bol. Je peux pas mentalement des gens épuisés. Et vraiment, il y a eu un ou deux trucs là-dessus intéressants qui se sont dit, ok, c'est quoi, ça suffit. Genre là, je peux pas, quoi. Dans ce contexte-là, je peux plus tenir si j'ai pas ces relais industriels, ces relais faciles, en fait. Et toi, voilà. t'as réussi non. à tenir. Ouais, ou moi, t'as... j'ai pas lâché l'affaire. Bah, après, ouais, non, mais je suis pas, j'en tire aucune fierté. J'ai pas d'enfant. Bah ouais, j'ai pas d'enfant. Oui. C'est, on en revient vite à ce point-là, voilà. Quitte à charge. Il y a un moment, si j'avais un enfant, je sais pas si j'aurais pas, si je me serais pas servi de relais plus simple, si je serais pas allée à la facilité, etc. Si j'avais des enfants là, est-ce que je ferais mon déo moi-même? J'en suis pas sûre. En vrai, tu vois, je sais pas. Je peux même pas dire oui, je n'en sais rien. Est-ce que j'aurais le temps, la force, le courage? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je jette pas la pierre à personne. Je ne juge personne dans ses pratiques. Parce que mon mantra dans la vie, c'est on fait comme on peut. Ah oui, chacun, chacune fait comme il ou elle peut. Donc, si quelqu'un a des enfants et lui file des petits pots industriels pas bio, qui suis-je pour lui dire c'est pas terrible quand même, tu pourrais le faire toi-même avec des légumes bio. Tu l'achètes, en fait. Bah, dans ce cas-là, c'est sinon, moi, je le fais. Qui me font la morale en disant, mais paie-le-moi. Ben, voilà. Fais-le pour moi. Voilà. Donc, des gens ont relâché leurs efforts, ce qui n'est pas un jugement de valeur, ce qui est un constat. Parce que c'est un effort à la base, exactement, de faire ça. Et qui revient, pour beaucoup, aux femmes, parce qu'on est socialisé dans l'idée qu'on doit prendre soin des autres. Et les autres, c'est la planète, c'est notre mec, notre meuf, notre fils, notre frère, notre cousin, notre père. Donc on doit prendre les vieux, les parents, les bébés. Donc on se dit, on sent une responsabilité accrue en tant que personne, en tant que femme cisgenre. J'entends bien, en tout cas, vraiment sociabiliser dès la petite enfance comme une fille, on a cette pression-là et on l'intègre aussi en se disant, mais c'est à nous de faire attention. Et donc, puis c'est déjà nous qui faisons à manger les courses. Donc, c'est nous qui choisissons ces produits-là. Oui. Donc, on a une responsabilité qui devrait peser sur le conjoint, par exemple, quand c'est un couple hétérosexuel. Pourquoi ? Enfin, tu vois, c'est le conjoint qui peut faire la liste des courses. Mais du coup, on se dit, bah non, faut pas que j'achète ça parce qu'il y a du BPA, il y a du machin, il y a des parabènes, il y a des trucs. On voit bien aux élections que les votes écolos viennent en majorité d'un électorat féminin. On voit bien que le végétarisme, si on, en France en tout cas, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais que c'est beaucoup de femmes. Les exploitantes bio, enfin, sont des exploitantes du coup, en majorité ce sont des femmes qui exploitent des fermes bio. Donc on voit que tout ça, c'est les femmes qui s'en chargent, pas forcément parce qu'elles le veulent, quoi. C'est quand même bien souvent par dépit, par défaut, et parce qu'en fait si elles le faisaient pas, personne d'autre le ferait à leur place. Puis l'autre pendant de la responsabilité, c'est la culpabilité. Oui, c'est ça, où t'es une mauvaise mère, de toute façon. T'es une mauvaise personne en tant que femme, ouais. Bah voilà, et puis on te dit, mais attends, t'es une femme, la terre-mère, enfin, t'es là genre... Tu vas empoisonner ton entourage en leur donnant ça à manger. Oui, c'est toujours ça, les mamans qui vont au McDo avec leurs enfants une fois par semaine ou par mois, on les regarde comme ça, alors quand c'est le papa, on se dit, ah, c'est un moment festif et joyeux, il emmène ses enfants au McDo, il est... Ça, c'est vraiment un père c'est rigolo. C'est un nouveau père. Rigolo. Juste pour finir, est-ce que tu as des projets maintenant pour la suite dont tu peux parler ? Donc un livre à venir ? Bah du coup, mon deuxième livre à venir chez Nourriture Fu, des pastilles vidéo humoristiques sur la bouffe. Chez Urbania, à la rentrée là, j'ai concocté des petites pastilles humoristiques sur la bouffe. Ça fait un peu le SAV de la bouffe. Voilà, j'ai hâte, ça fait 2 ans que j'ai envie de le faire ce projet et j'ai trouvé quelqu'un pour le produire. Et toujours plein d'articles. Articles, un truc sur les pionnières du cinéma qui sort à la rentrée aussi, hein, en docu, enfin web-série. Enfin, tellement de tu choses. Tu fais tellement de choses, tu ne t'arrêtes jamais. Bah, en fait, c'est ça, donc c'est compliqué si je te liste tu vois, si je fais la liste des trucs que je fais, on en a encore pour. Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai accès bouffe, parce que c'est le sujet de notre rencontre. Sur parce la que bouffe, sinon, un livre et les pastilles vidéo pour Urbania. Voilà, qui, du coup, s'appelle Fine Bouche. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi, Nora. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes passés et à venir sur votre application préférée et lui mettre plein d'étoiles et de gentils commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez me contacter sur Twitter @Lucie_Inland et Instagram @LucieInland en un mot. Ainsi que Studio Dilettante sur Twitter @StuDilettante. Merci à eux pour leur soutien matériel, Adrien Bibard en particulier. À bientôt. Yeah.